D'accord, donc on va commencer par Francesca qui va nous parler de. Bah, je lui laisse dire son thème, comme ça, voilà, c'est parti. Très bien, merci. Alors, ce sera la protection internationale et européenne des réfugiés. Si je n'ai pas mal compris, aujourd'hui, c'est une journée qui est entièrement dédiée aux migrations. Donc, l'idée était un peu d'avoir une introduction au tout début, pour comprendre quelles sont les règles qui s'appliquent aux migrations et en particulier au problème de la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile en droit international et en droit européen. En fait, oui. Donc la seule chose que je vais à vous déjà préciser, c'est que je ne suis pas une experte des droits français. Donc s'il y aura des questions concernant la procédure strictement en France, ce n'est pas de ça que je peux m'occuper. Mais je sais qu'il y a déjà quelqu'un cet après-midi qui, au contraire, s'occupera exactement de la protection des réfugiés en France, donc pourra répondre à toute question. Alors déjà, comme on avait dit que ici les bouts, c'est de s'amuser avant tout et de prendre du plaisir, je vais vous lire un passage très bref. Ça s'entend? Ça marche? Oui. Un passage très très bref d'un livre que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Il est très bref et ça donne vraiment du plaisir à l'entendre. Alors ça, c'est Léon Dugui, c'est un théoricien du droit français. Il écrit ce livre en 1917, donc dans une époque bien lointaine de nous. On sortait de la Première Guerre mondiale. Et lui, il écrit ses livres sur comment on produit les droits et comment se forment les sociétés des droits. Et en parlant de la société nationale, il est un communautariste, donc son idée c'était que les centres de tout est la nation et la patrie, qu'il voit quand même comme seulement un moment de l'évolution des liens entre les personnes. Et il écrit ça. La forme sociale nation est-elle la forme définitive et dernière des groupements humains? L'idée patrie est-elle le summum de l'évolution psychosociale de l'homme? Nous ne pouvons pas les penser. L'acquisition de l'idée des patries, la formation de la nation ont réalisé, ce n'est pas douteux, un immense progrès. La somme des souffrances individuelles, nous voulons les croire, est dans nos nations modernes moindre que dans toute autre forme sociale. Jamais la conception de la solidarité sociale n'a pénétré les esprits aussi profondément que de nos jours. Mais l'idée des patries a fait couler trop de larmes et de sang pour que nous puissions y voir les derniers stades de l'évolution sociale. Et nous aimons à nous représenter la solidarité humaine comme une série de cercles concentriques s'élargissant sans cesse. Les familles ont formé la cité, les cités ont formé la nation. À chaque extension de la forme sociale, la solidarité s'est accrue, la souffrance individuelle a diminué. La marche en avant ne s'arrêtera pas là. Et tôt ou tard, espérons-le, les nations formeront une société plus compréhensive et plus solidaire. Plus compréhensive parce qu'elle englobera plus de membres, plus solidaire parce qu'aux liens nationaux viendront s'ajouter d'autres éléments d'union et de coopération. Société enfin où il y aura encore moins de souffrances et moins d'injustices que dans nos sociétés actuelles. Et là, il arrive quelque chose, il décrit une situation qui semble vraiment aujourd'hui. On reconnaît cependant que les spectacles des choses qui nous entourent n'encouragent pas cette espérance. Les armements formidables, les guerres injustes et barbares, la violation des lois les plus élémentaires de la justice, les haines religieuses et nationales prêchées à tous les carrefours, les frontières fermées et hérissées des défenses. Tout cela ne montre pas que l'avènement d'une véritable société internationale est une espérance chimérique. Chimère, si l'on veut, gardons notre chimère. Et ayons foi, comme Renan, au triomphe définitif du progrès religieux et moral, nonobstant les victoires répétées de la sottise et du mal. Alors ça pourrait sembler un livre de rêves utopiques. Ce ne l'est pas. Il a fondé une grande partie de la théorie du droit française se fonde sur des écrits comme celui de Léon Dugui. Je pense que ce qui serait intéressant maintenant faire, c'est comprendre dans quelle mesure la société qui nous entoure est une société évidemment fondée sur ce que lui, il définit comme la sottise du mal, donc l'idée de fermer les frontières, et dans quelle mesure, au contraire, il y a des obligations pour les États, au contraire, d'accueillir les gens et d'élargir les frontières. L'idée que la frontière est un mur fermé, que les citoyens ont droit de traverser, les non-citoyens n'ont pas le droit de traverser, est une idée qui est assez développée aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément la seule idée possible et n'est pas non plus la seule idée fondée sur les droits. Il y a plein d'énormes des droits, un droit international et même un droit européen, qui s'opposent à cette idée de la fermeture des frontières. Un droit européen, si on y pense, c'est des frontières internes, les traités de Schengen, et un droit international, toutes les normes qui obligent les États à accueillir les étrangers ou qui donnent aux étrangers les droits de bouger. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme a deux normes relatives au mouvement des populations entre États, qui sont l'article 13 et l'article 14. L'article 13 établit les droits de chacun de laisser n'importe quel pays, inclut les siens. Donc les droits de bouger et d'aller au-delà des propres pays. Les droits de quitter un pays veut forcément dire qu'on doit pouvoir avoir quelque part où aller. L'autre norme qui complète ces droits est le droit de chacun qui fuit les persécutions de demander l'asile et de jouir de l'asile dans les pays où il arrive. Cette dernière norme, l'article 14, qui est le droit de demander l'asile enfin et de le recevoir, n'a pas été inclus dans des traités qui soient obligatoires pour les États. Donc on l'a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un instrument politique, qui a une force morale importante, mais qui n'est pas un instrument juridique qui soit obligatoire pour les États. Et un instrument juridique obligatoire les États, par contre, les pactes internationaux sur les droits civils et politiques. Les pactes ne contiennent pas une norme relative au droit de demander l'asile. L'article 14 n'a pas été répété dans les pactes. Par contre, il contient, à l'article 13, à nouveau, la règle selon laquelle chacun a le droit de laisser n'importe quel pays, y inclut les siens. Est-ce que ce droit de quitter n'importe quel pays est un droit qui n'a pas de devoir face à lui? Chacun a le droit de quitter nulle part où aller, on va nulle part. Ou donc ce serait un droit tellement limité qu'il finit par ne pas avoir un contenu. Ou est-ce qu'il y a d'autres normes qui complètent ces droits en donnant aux personnes la possibilité aussi de rentrer ailleurs? Alors bien sûr, il n'y a pas une possibilité générale pour les non-citoyens d'accéder au territoire duquel il n'est pas citoyen. Ça, on l'a proposé et les nations ne l'ont généralement pas accepté. Donc il n'y a pas un droit international qui impose l'ouverture de toutes les frontières. Par contre, les droits internationaux imposent parfois d'obligations d'accueil. Normalement, l'obligation d'accueil face aux réfugiés. Alors, si on prend la Convention de Genève sur les droits des réfugiés, qui est une convention de 1951, et là, je souligne que c'est une convention de 1951 parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup la tendance, dès qu'on parle de la crise syrienne, du problème des migrants qui arrivent d'Irak, du problème des migrants qui arrivent, des réfugiés qui arrivent d'Afghanistan, on est toujours dans l'émergence, dans l'idée de dire c'est une urgence, c'est des milliers de gens, c'est beaucoup trop. Les conventions que les États européens ont signées sont des conventions qui sont pensées dans des moments où il n'y avait pas un si grand nombre de réfugiés. Ce n'est pas du tout le cas. La convention sur les statuts des réfugiés a été signée en 51. En 51, ça veut dire que 5 ans avant, on savait très bien combien des juifs et d'autres persécutés par les nazis avaient dû chercher la fuite et s'étaient trouvés face aux frontières bloquées. Donc on avait bien l'idée des millions de personnes qui bougent pour fuir des persécutions. Ce n'était pas une convention pensée tout simplement avec l'idée il y a de temps en temps quelqu'un. Aussi bien que les normes dans les constitutions internes de certains pays européens qui sont des normes qui prévoit, comme dans la Constitution italienne, il y a l'article 10 par exemple, qui prévoit un droit de l'État d'accueillir les gens qui fuient les persécutions, sont des conventions des constitutions qui ont été approuvées tout de suite à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc par des gens qui avaient en tête des mouvements, des milliers de personnes, exactement comme les mouvements qu'on voit maintenant. Alors, qui est un réfugié pour la Convention sur les réfugiés? La Convention définit comme réfugié toute personne qui, en craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions ou politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui, pour cette crainte, ne peut pas demander la protection de ces pays, c'est-à-dire est réfugiée toute personne qui fuit les persécutions. Alors la Convention ne définit pas un droit de poser la demande d'asile. Et ça, c'est le problème. La Convention nous dit qui est réfugié, mais ne dit pas que tous les États membres doivent analyser et accueillir les demandes d'asile des réfugiés. Et c'est ce que souvent utilisent les États pour essayer, non pas de, pour dire qu'eux, ils respectent parfaitement la Convention, c'est qu'ils ne limitent pas la définition des réfugiés, ils limitent l'accès à la procédure. T'es réfugié, d'accord, mais je ne te permets pas d'accéder à la procédure qui te permet de démontrer que t'es un réfugié. Comme ça, je n'ai pas d'obligation. Ça, c'est un peu l'idée. Et c'est au fond l'idée qui est à la base de toutes les procédures d'externalisation des frontières qu'on voit maintenant dans l'Union européenne. Quand on dit on prévoit une protection qui soit à l'extérieur des frontières, quand on bloque les personnes au Maroc, quand on les bloque en Turquie, ou encore pire, on verra après l'accord avec la Turquie, on les fait revenir en Turquie, c'est exactement ça l'idée. On ne les fait pas accéder à l'Europe, comme ça ils ne peuvent pas poser leur demande d'asile, et comme ça on n'a pas de problème, on n'est pas obligé de les accueillir. Est-ce que cela est un vrai moyen de respecter la Convention qui engage tous les pays membres de l'Union européenne, tous les pays membres de Schengen, tous les pays européens? Ben, au fond, non, parce que la Convention, c'est vrai qu'elle ne demande pas aux États d'évaluer les demandes d'asile. Elle ne prévoit pas un droit de poser sa demande. Mais en même temps, ce n'est pas que la Convention dit qu'est réfugié la personne qui a eu reconnu son statut. Du moment où on fuit des persécutions et on est en dehors de son propre État, on est un réfugié, indépendamment du fait que l'UNHCR ou qu'un quelconque État ait évalué la demande pour donner un papier qui dit « on te reconnaît comme réfugié ». Les papiers de reconnaissance du statut de réfugié est seulement un papier administratif qui déclare une certaine situation que l'individu a, indépendamment de toute demande qu'il a posée. C'est-à-dire que les Syriens, les Afghans, mais les Somaliens, tous ceux qui sont aux frontières de l'Europe et qui demandent l'asile, en réalité, on les appelle demandeurs d'asile parce que c'est pratique, mais du moment où ils fuient une persécution, ils sont déjà réfugiés. Et s'ils sont déjà réfugiés pour la Convention, ils ont droit aussi au respect de tous les droits qui sont établis dans la Convention, qui vont du fait d'avoir droit à ne pas être privé de sa propre liberté parce qu'on veut être reconnu comme réfugié, au droit à l'éducation, au droit au travail de façon non discriminée par rapport aux migrants réguliers dans les territoires de l'État, au droit au logement sans discrimination par rapport aux citoyens ou aux autres migrants réfugiés réguliers, et surtout, ils ont les droits au non-refoulement. Ces principes de non-refoulement dont on entend parler assez souvent, c'est très simple. La Convention de Genève dit que tout réfugié ne peut pas être renvoyé, que ce soit expulsé, extradé, renvoyé d'une quelconque manière, vers un lieu où sa vie ou sa sécurité risque d'être mise en danger à cause pour les mêmes raisons pour lesquelles il fuit. Et là, c'est-à-dire que donc les réfugiés ne peuvent pas. En théorie, il peut être envoyé à un autre endroit où sa vie n'est pas en péril, et c'est ce principe-là qui est à la base du système Dublin, où on dit, dans le système Dublin, on décide qu'il y a seulement un État européen qui doit pouvoir analyser la demande et qui est obligé à le faire. Et comme ça, ça désengage les autres États. Pourquoi on peut faire ça? Parce que de renvoyer quelqu'un de la France à l'Autriche, a priori, on le met pas en danger. A priori, après, il faut voir si on le met effectivement en danger. Parce que si l'exemple est la France à l'Autriche, on peut penser qu'il n'y a pas de danger. Si l'exemple est la France à la Grèce, ça devient plus compliqué. Et là, il y a d'autres conventions d'ailleurs qui rentrent en cause. Alors, une fois qu'on a défini ça comme réfugié, le problème est-ce que toute personne qui fuit quoi que ce soit sont effectivement des réfugiés? Probablement oui, c'est-à-dire que l'interprétation de la Convention de Genève qui a été donnée notamment par l'UNHCR est suffisamment large pour mettre tous ceux qui fuient de la guerre, mais il faut dire qu'il n'y a pas un organe supérieur qui peut interpréter la Convention. Donc en fait, à chaque juge interne reste le rôle d'interpréter la Convention, et le juge interne peut aussi l'interpréter de façon assez restrictive. en pensant que la persécution pour des raisons, des religions, d'opinions politiques, d'appartenance à un certain groupe social est nécessairement une persécution individuelle. Donc si c'est toute une population qui fuit la guerre, mais ça c'est pas une persécution, une population persécutée, c'est une population qui fuit la guerre. Ça suffit ça pour dire alors on n'a pas d'obligation? Non. Non, surtout non en Europe. Déjà, l'autre commissariat pour les réfugiés a plusieurs fois considéré que sont des réfugiés aussi les personnes qui se déplacent à cause de la guerre. Mais aussi, en Europe, il y a une définition de protection internationale qui est plus vaste que la définition donnée par la Convention de Genève. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a une directive de l'Union européenne, qui s'applique donc à tous les États de l'Union européenne, qui dit que, déjà, les réfugiés sont ceux que la Convention de Genève définit, mais qui rajoute à la Convention de Genève une autre forme de protection, la protection internationale subsidiaire, qui est donnée à toute personne qui, si renvoyée dans son pays d'origine, risque de subir un dommage grave. Et après, la définition des dommages graves est tendanciellement une violation grave des droits de l'homme. Et la directive européenne dit aussi clairement que dommage grave est sans doute, donc c'est vraiment indiqué, l'effet de risquer d'avoir sa propre vie mise à péril par une situation de conflit, de violences généralisées dues à un conflit armé. Sachant que les mots conflit armé a une définition en droit international, donc conflit armé est la guerre, et c'est la guerre en droit international entre groupes organisés. Donc ça peut être un conflit interne ou un conflit international, mais c'est entre groupes organisés, ce qui permettrait d'exclure de la protection donnée par la directive toute personne qui fuit en situation où il n'y a pas un vrai conflit, mais il y a par exemple des grosses manifestations comme dans les printemps arabes. Or, la Cour de justice de l'Union européenne, dans une affaire assez importante, a donné sa propre définition des conflits internes, en considérant que les conflits armés indiqué dans la directive est toute situation de violence généralisée tout court. Donc même des grosses manifestations avec une répression forte de la part de la police, ce sont un conflit interne, un conflit armé pour la Convention. Donc les gens qui fuient cette violence généralisée pour cette raison vont rentrer dans les cadres de la protection de la directive. Tout ça pour dire qu'à la fin, plus ou moins tous ceux qui fuient, que ce soit des guerres, que ce soit des persécutions, que ce soit des situations, des violations graves des droits de l'homme, ont une forme de droit à l'accueil en Europe. Donc l'idée, c'est que ces normes sont pensées pour accueillir ces gens. Et donc la solution pour ne pas les accueillir en ces moments en Europe, c'est quoi? C'est on les tient dehors, comme ça on n'a pas besoin d'appliquer la directive. Parce qu'en Europe, il y a aussi une directive qui prévoit un droit d'accès à la procédure. Mais cette directive, qui établit effectivement un droit d'accès à la procédure avec un avocat qui est payé par les droits, et en France, l'OFPRA, dans d'autres pays, il y a des instances administratives indépendantes qui évaluent chaque situation individuelle. Si on n'est pas content de leur réponse, on a le droit de recourir un appel et l'État doit fournir un avocat. Donc c'est une procédure quand même assez garantiste. Mais où s'applique la directive? La directive s'applique dans les territoires de l'Union européenne, donc à toute demande d'asile qui est présentée à la frontière de l'Union européenne, dans les territoires de l'Union européenne ou dans les mers territoriales. Donc il faut au moins passer la mer internationale, il faut accéder à la mer territoriale ou il faut arriver vraiment à la frontière avec la Grèce pour pouvoir prétendre au respect de la directive. C'est-à-dire que toutes personnes qui sont laissées en Turquie dans les cadres de l'accord avec la Turquie et qui sont bloqués directement en Turquie par un accord entre la Turquie et l'Union européenne, n'ont pas droit à l'accès aux procédures telles qu'elles sont prévues par cette directive. Parce qu'elles ne sont pas rentrées dans les champs d'application de la directive. Est-ce que cela suffit pour dire qu'on n'a aucune obligation face à ces personnes? Non, pas encore, parce qu'il y a encore d'autres conventions que les États européens ont acceptées, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas une norme sur les réfugiés, il y a seulement une norme générale sur l'interdiction de la torture. La norme est très large, elle dit... Nul peut subir torture ou traitement inhumain et dégradant. Pas plus que ça. Mais la norme est très ample et la Cour européenne des droits de l'homme l'a, depuis les années 80, interprétée en affirmant que les États ne sont pas seulement responsables des tortures qui sont commises sur leur territoire, mais sont aussi responsables de toutes formes de tortures ou traitements inhumains et dégradants qui sont soumis, qui sont commis dans les territoires des États tiers, si l'État a permis que la personne qui subit cette torture arrive dans ces territoires. Donc en fait, la situation initiale, les cas premiers où on a appliqué cette norme, c'était un citoyen allemand, dans les cas d'espèce, qui avait commis un homicide grave aux États-Unis et qui était, c'était des États-Unis, était arrivé en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne voulait extrader cette personne aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, il risquait de faire face à la peine de mort. La peine de mort était considérée, en fait pas la peine de mort en elle-même, mais l'effet d'attendre sa propre mort a été considéré par la Cour européenne des droits de l'homme comme un traitement inhumain et dégradant. Et la Cour a affirmé que la Grande-Bretagne aurait été responsable des violations de l'article 3 si elle renvoyait cette personne aux États-Unis, bien qu'elle n'aurait rien fait à cette personne. Elle n'aurait pas infligé les traitements, mais elle en était responsable. Donc ça, c'était un cas facile, c'était un cas d'extradition. Sauf que cette même application a été étendue à tout cas des renvois, même des migrants, dans les pays dans lesquels ils cherchent, dans lesquels ils partent. Et ça, de façon très très large. L'arrêt le plus important est un arrêt contre l'Italie, l'arrêt Irsi contre l'Italie. C'est qu'en 2008, l'Italie avait décidé que pour résoudre les problèmes des migrants, il fallait les bloquer en mer et les renvoyer en Libye directement. Donc dans les étés 2008 et 2009, il y a eu plus qu'un millier de migrants qui ont été secourus en mer, embarqués dans des navettes de la garde côtière italienne et directement reportés en Libye et à faire face à leur propre destin. La Cour européenne a condamné cette attitude de l'Italie en affirmant que c'était une violation de l'article 3, que l'Italie était responsable non seulement des violations de l'article 3 déterminées par l'effet de mettre quelqu'un qui s'échappe de la Libye dans un bateau et les reporter en Libye, mais aussi elle était responsable de tout ce que ces personnes risquaient de subir après en Libye. Dans ces mêmes arrêts, et c'est l'autre chose qui nous intéresse, la Cour a affirmé que toute personne qui rentre en contact avec les forces officielles, avec les officiers des polices ou quelconque officier d'un État membre de la Convention, rentre à ces moments-là dans la juridiction de l'État membre de la Convention. Donc du moment où, peu importe où je suis sous les contrôles des forces des polices italiennes, françaises, grecques ou quoi que ce soit, je suis sous la juridiction de ces pays. Donc ces pays, même si on est au Maroc, au Sénégal ou en Turquie, doit me garantir le respect de tous mes droits garantis par la Convention, notamment l'article 3. Et aussi, doit me garantir, même si on est en haute mer, comme c'était le cas d'espèce dans l'article IRSI, le respect du droit à de l'interdiction à l'expulsion collective. Qu'est-ce une expulsion collective? Une expulsion collective est toute expulsion dans laquelle je prends un groupe de personnes, je les renvoie quelque part. Je peux faire ça, c'est-à-dire je peux grouper une expulsion. L'expulsion en général, quand elle respecte toutes les normes, est permise en droit international. Et ça peut même être exécuté de façon collective, c'est-à-dire je peux organiser un vol charter pour rapatrier des gens. Mais chaque situation individuelle doit être évaluée individuellement. Et doit être évaluée individuellement de la même façon que la personne soit arrivée à terre, ou que ce soit bloqué en haute mer, ou même dans l'état du pays d'origine. Alors, c'est vrai que la directive que je vous ai indiquée tout à l'heure, la directive sur les procédures, a un champ d'application qui se limite au territoire européen et aux mers territoriales, mais du moment où la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé qu'est expulsion collective, toute expulsion ou tout rapatriement, qui ne respecte pas, peu importe d'où il advient, les droits garantis à chaque individu qui a rejoint les territoires, c'est-à-dire qu'en réalité, toute forme de rapatriement qui ne soit pas suite à une procédure qui respecte entièrement les droits garantis par la directive procédure est contraire à l'interdiction d'expulsion collective prévue par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, dans ces moments-là, on finit par élargir obligatoirement les champs d'application de la Convention. Or, j'imagine que mes 20 minutes sont presque en train de finir, mais je peux continuer. En tout cas, comme on commence à être un peu là, n'ayez pas de doute, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Voilà, ben déjà. dans le cadre de l'arrêt contre la torture dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que laisser des migrants dans un endroit insalubre et absolument horrible, comme par exemple la jungle de Calais, est-ce que c'est pas contre cet arrêt justement ? On pourrait interpeller justement les gens à ce niveau-là plutôt que de se dire qu'on ne devrait pas les laisser ici tout simplement parce que c'est pas bien pour la France plutôt que c'est pas bien pour eux en quelque sorte. Je sais pas si j'ai été claire. Alors en fait, pas vraiment dans l'arrêt que je vous ai indiqué, c'est-à-dire l'arrêt IRSI, où il n'y avait pas ces problèmes-là, les gens sont restés dans des bateaux très très peu de temps, mais il y a d'autres arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit justement ce type de situation. Il y a eu des arrêts contre la Grèce, et il y a eu un arrêt assez récent contre l'Italie, qui justement peut être un arrêt intéressant parce que c'est assez comparable à la situation de la jungle des Calais, avec les problèmes que de la jungle des Calais, les gens sont groupés là-bas, mais ne sont pas obligés à rester dedans. Donc les arrêts qu'on a, on a deux types d'arrêts. On a des arrêts qui ont considéré que c'était contraire à l'article 5, donc au droit à la liberté, et à l'article 3 de la Convention, l'interdiction de la torture, l'effet de priver de la liberté des migrants, des réfugiés, en les mettant dans des centres d'accueil, qu'on appelle centres d'accueil, en réalité sont des centres de rétention, et dans lesquels les droits de l'homme les plus fondamentaux sont souvent pas respectés. Donc l'arrêt, c'était l'arrêt Caflila contre l'Italie, et c'était relatif au centre de Lampedusa. La chose pour laquelle je suis un peu douteuse sur l'application de cet arrêt directement à la situation de Calais, c'est qu'à Lampedusa, les gens étaient effectivement privés de la liberté. Alors là, pour être précis, parce que même la jurisprudence et la Cour européenne des droits de l'homme, en matière des migrants, des demandeurs d'asile, est beaucoup plus restrictive de ce qu'elle est par rapport à tout autre domaine. Donc elle n'est pas très pro-migrant, la Cour européenne des droits de l'homme, malheureusement, elle est plus parfois que les États, mais elle ne l'est pas beaucoup, c'est-à-dire que toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces matières-là commence par dire c'est un principe bien établi des droits internationaux que les États ont le droit de contrôler leurs propres frontières. Donc ça, c'est les principes de départ. Après, elle applique des exceptions à ces principes. J'ai voulu souligner ça parce que ce n'est pas la seule jurisprudence possible. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui est fondée sur la Convention interaméricaine des droits de l'homme, qui au fond est assez similaire à la Convention européenne, quand elle s'est trouvée à donner des arrêts ou des avis consultatifs en matière des migrations et des réfugiés, surtout des migrations dans son cas, elle a fait la démarche inverse. C'est-à-dire, elle a dit que les principes, c'est les principes de l'application des droits de l'homme de façon universelle, et qu'après, parfois, les États ont la possibilité de limiter ces droits parce qu'ils doivent contrôler les frontières ou contrôler la population, etc. Mais donc, les raisonnements étaient largement inversés. Et en fait, les résultats finaux, c'était que la Cour interaméricaine des droits de l'homme a des arrêts beaucoup plus positifs pour les migrants de ce qu'on a dans la Convention européenne. Mais pour finir ta réponse, alors, il y a d'autres arrêts qui s'appliquent, notamment dans l'arrêt MSS contre la Grèce, c'était la Suisse et la Suède et la Grèce, je ne sais plus d'où partait la personne. C'est un arrêt d'application de la procédure Dublin, c'est-à-dire de la procédure selon laquelle il y a un seul pays qui est responsable pour l'évaluation du demande d'asile, et tendanciellement, c'est les pays des premiers accès à l'Union européenne, donc souvent la Grèce ou l'Italie ou la France et l'Espagne. Dans cet arrêt, la Cour avait considéré que la situation dans laquelle les demandeurs d'asile afghans qui a été renvoyé en Grèce, on ne lui avait pas permis de travailler, on ne lui avait pas donné un accès à une maison, et donc il était obligé de vivre dans des jardins publics, dans des situations tout à fait incorrectes, constituaient violation de l'article 3 de la Convention. Donc, les jardins publics d'Athènes, et la jungle des Calais, je dirais que ça se ressemble beaucoup. Sûr que la France pourrait se trouver interpellée devant la Cour européenne pour la situation qu'elle laisse continuer à être là-bas. Je ne sais plus. Alors oui, là après l'intervention, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, on a dit donc il y a en réalité un droit d'accès à la procédure. Or, actuellement, ce qu'on voit dans l'Union européenne, c'est au contraire la tendance à réduire le plus possible la possibilité d'accès et surtout à réduire les obligations qu'elle a face aux personnes qui veulent demander à l'asile. Après, je pense qu'on va laisser les temps pour toutes questions et curiosités, mais je voudrais seulement prendre un peu de temps pour regarder avec vous l'accord que l'Union européenne vient de faire avec la Turquie. Parce que on en a parlé beaucoup, parce que c'est intéressant et parce que c'est affreux. Donc il faut bien savoir ce qu'on conclut. Alors la première chose à se dire sur cet accord, la question qu'on peut se poser est-il vraiment un accord, cet accord? C'est-à-dire on nous le présente comme un accord entre l'Union européenne et la Turquie, sachant que en réalité ça ne semble pas tellement l'être. C'est-à-dire que les 18 mars, suite à toute une série de rencontres avec les responsables turcs, les membres du Conseil européen se sont réunis avec leurs correspondants turcs et ils ont signé un papier ensemble. Nous pouvons considérer que ça, c'est un accord international. J'en ai quelques doutes. D'abord parce que l'Union européenne a une compétence à conclure des accords internationaux dans les matières qui sont de sa compétence, que ce soit exclusive ou parallèle. Donc effectivement, l'Union européenne a la compétence pour conclure un accord en matière des réfugiés et des contrôles des frontières avec la Turquie. On en a déjà conclu d'autres, et avec la Turquie et avec d'autres pays. Sauf que tout accord international que l'Union européenne conclut est conclu suivant une procédure très spécifique. Et cette procédure prévoit d'abord que la Commission négocie l'accord, que l'accord soit envoyé, qu'il y ait dans les cas d'une matière comme celle-ci pour laquelle il y a aussi une compétence du Parlement, que l'accord soit regardé et soit contrôlé, soit approuvé par le Parlement européen, et qu'il y ait un avis de la Cour de justice de l'Union européenne qui évalue la compatibilité de cet accord avec les droits de l'Union européenne et avec les obligations établies dans les traités. Une fois que la Cour de justice de l'Union européenne a dit oui, cet accord est conforme aux droits de l'Union européenne, donc l'Union européenne peut le conclure, alors le Conseil conclut l'accord et l'accord est soumis à une procédure de ratification, donc d'acceptation de sa valeur obligatoire. Tout ça n'a pas été fait. Les conseils européens s'est unis, les chefs d'État étaient là, les chefs d'État turcs étaient là, ils se sont mis d'accord, ils ont dit bon, on a fait ça. Alors ça c'est pas du tout la procédure qui est établie. Ça veut dire que ça vaut rien en droit international? Pas vraiment, mais presque. C'est-à-dire que en droit international, le fait que les procédures internes ne soient pas respectées, chaque État ne peut pas invoquer le non-respect d'une procédure interne pour se désengager de ses obligations internationales. Sauf que dans la Convention de Vienne qui gère les droits des traités, il y a une norme qui dit qu'il est nul tout accord qui est conclu en violation manifeste des normes sur la compétence à ratifier l'accord. Alors ici, c'est assez évident, les normes de droit de l'Union européenne sont très connues sur la ratification des accords et elles n'ont pas été respectées. Est-ce qu'on peut imaginer que l'accord n'est pas un accord de l'Union européenne, mais un accord qui a été conclu par chaque État membre de l'Union européenne? Au fond, là-bas, il y avait les chefs de tous les États de l'Union européenne, ils ont tous approuvé l'accord. Là aussi, oui, on pourrait considérer ça, mais alors il faut que les procédures nationales pour la ratification de l'accord soient respectées. Alors, si en France, les présidents de la République française a une manœuvre très très ample dans les choix et dans la rectification des accords internationaux, donc les problèmes ne pourraient pas trop se poser pour la France, mais ça se pose pour d'autres pays européens, par exemple l'Italie. En Italie, si ça c'était un accord conclu par les chefs d'État italiens, il est prévu que ce soit ratifié par les présidents de la République après autorisation donnée par les parlements nationaux. Cet accord-là n'a pas été soumis à aucun parlement national. D'ailleurs, on le présente comme accord, mais ce n'est pas que les services juridiques de l'Union européenne ne savent pas tout cela, ils le savent très très bien. Et ils ne voulaient pas que l'accord soit soumis aux procédures prévues, parce que si on avait respecté les procédures, jamais cette chose-là serait passée. C'est assez évident que les contenus de l'accord que nous allons voir tout de suite ne respectent pas toutes les directives et même les normes du traité de la Charte fondamentale des droits de l'Union européenne qui qui sont normes fondamentales des droits de l'Union. Donc on a parlé d'accord, mais en réalité dans les tests, jamais on dit que ça c'est un accord. C'est que ils voulaient faire ça. Donc on n'utilise jamais l'accord à l'intérieur du test, sauf que à l'intérieur du test, on trouve des phrases qui sont... Alors voyons si j'ai réussi à ne pas m'envoler. Voilà, alors... la Turquie et l'Union européenne ont confirmé une nouvelle fois leur attachement à la mise en œuvre de leur plan d'action commun. Donc vous voyez, on ne dit pas qu'ils se sont accordés, ils ne ratifient pas un traité, ils confirment leur attachement à la mise en œuvre d'un plan. Sauf que ce plan, il établit quoi? Il établit que, point 1, tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 seront renvoyés en Turquie. Point. Après cette phrase qui est un peu étonnante, donc pas trop, mais en tout cas, ça, c'est tout à fait illégal de faire ça, cela se fera en totale conformité avec les droits de l'Union européenne et les droits internationaux, excluant ainsi toute forme d'expulsion collective. Donc on a un peu du mal à comprendre comment on fait en renvoyer tout le monde en Turquie en évitant toute expulsion collective. La seule solution serait de renvoyer en Turquie après avoir effectué les procédures pour l'évaluation de chaque situation individuelle. Oui, sauf qu'une fois qu'on a fait toutes les procédures, on a établi les statuts, on ne voit pas, ben, à ce moment-là, on en voit nulle part. Ces gens-là doivent être accueillis dans les pays de l'Union européenne. Alors, la chose qui est assez inquiétante, est qu'en réalité, ces renvois vers la Turquie, on nous parle des migrants en situation irrégulière, mais on voit après... que ce n'est pas des migrants en situation irrégulière qui pourraient être ce qu'on appelle les migrants économiques qui ont franchi les frontières sans respecter les normes sur les franchissements des frontières. Et sur ça, j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire que c'est vrai que les États ont le droit de renvoyer les personnes qui ont franchi les frontières de façon irrégulière. Ça, c'est établi. Mais ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas le droit d'essayer de franchir les frontières, parce que les personnes ont quand même les droits établis par l'article 13 du pacte sur les droits civils et politiques que j'ai signé tout à l'heure, de quitter tout pays. Et quand on lit, par exemple, les protocoles à la Convention des Nations Unies sur la criminalité organisée, les protocoles sur les smuggling, donc sur les trafics des migrants, oui, pardon. Si on lit, ça c'est confirmé, si on lit les protocoles sur la prévention et la répression du trafic des migrants, alors les trafics des migrants est le fait que quelqu'un, pour gagner de l'argent, accepte d'être payé par un migrant pour lui faire traverser de façon irrégulière la frontière. Alors, cette convention dit que la personne qui fait les trafics doit être... est commis un délit et doit être inculpée et soumise à protection criminelle, mais dit très clairement que l'effet d'avoir été victime, d'avoir été objet du trafic, donc l'effet pour les migrants d'avoir cherché les trafiquants, de l'avoir payé pour passer irrégulièrement la frontière, ne peut pas constituer délit au sens de la Convention. Donc la Convention dit clairement que les délits en question et les délits de profiter des migrants qui veulent passer la frontière, non pas celui d'essayer de placer la frontière. Après, ça c'est pour la Convention. La Convention précise aussi qu'après, si les États veulent introduire des formes de délits d'immigration clandestine, ils ont la possibilité de faire. Mais ce n'est pas ce que la Convention demande de faire. Donc c'est assez intéressant que la Convention dise quand même, en ce qui concerne les droits internationaux, ça c'est pas un délit. Après, ceux qui font les droits en leur droit interne, c'est autre chose. Alors, mais en tout cas là, on parle des réfugiés, et on parle des réfugiés, c'est sûr, parce que l'accord avec la Turquie précise qu'il s'applique aux Syriens. Alors, s'il y a une chose sûre, c'est que tous les Syriens qui cherchent de franchir la frontière européenne, ce sont des réfugiés. Ou ce sont des réfugiés, s'ils ne sont pas des réfugiés, s'ils sont au moins des personnes qui ont les droits à la protection internationale subsidiaire, comme on l'avait défini au début quand nous étions un peu moins, mais c'est-à-dire ce sont des personnes qui fuient un risque de dommages graves dus à une situation de violence indiscriminée due à un conflit armé. Ça, c'est sûr, la situation en Syrie. Donc, tous les Syriens qui arrivent aux frontières sont des personnes qui ont droit à la protection internationale subsidiaire, sinon pas même au statut de réfugié. Alors, tous ces gens-là, Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces gens, à ces, cette personne-là, l'accord avec la Turquie? Il dit que pour chaque Syrien, alors attendez, non, j'ai tourné la page trop vite. Un moment. Alors, pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques. Alors, tout à l'heure, il nous a dit tous les migrants irréguliers qui arrivent aux îles grecques sont renvoyés en Turquie. Et après, il nous dit pour chaque Syrien renvoyé en Turquie. C'est-à-dire que dans l'ensemble des migrants irréguliers qui sont renvoyés en Turquie, il y a bien les Syriens. Ça, c'est assez clair. Un autre Syrien sera réinstallé de la Turquie vers l'Union européenne en tenant compte des critères de vulnérabilité des Nations unies. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'après qu'un Syrien a passé la mer, a passé et arrivé à Idomeni, est arrivé dans les champs grecs, on a évalué sa situation, on a bien vérifié qu'il est Syrien, donc il a le droit à la protection. Même s'il a le droit à la protection, on le renvoie en Turquie et en échange, on se prend un autre Syrien. Alors ça, c'est ridicule. Je peux pas dire que, en fait, c'est ridicule, c'est exécrable. Sauf que c'est ridicule si on est ici sur la place à pouvoir parler tranquillement. Si on est les Syriens en question, c'est pas ridicule du tout. Or, sur quoi se fondent ces principes? L'idée est, parce que comme ça, les Syriens vont savoir que s'ils passent la frontière de façon irrégulière, ben, ils n'auront aucune possibilité d'être accueillis en Europe. Au contraire, s'ils sont sages et ils restent en Turquie, ils ont la possibilité d'être repêchés dans cet échange qu'on fait, qu'on renvoie un Syrien en Turquie, on prend un Syrien en Union européenne. Alors ça, d'un point de vue légal, n'a aucun sens. N'a aucun sens parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on rentre dans la définition des réfugiés, on est un réfugié et donc on ne peut pas être renvoyé ou que ce soit, surtout on ne peut pas être envoyé en Turquie parce que bien que l'accord avec la Turquie prévoit une forme d'engagement de la Turquie à respecter les droits de l'homme et les droits des réfugiés et des personnes qui sont renvoyées en Turquie, donc a priori on a demandé à la Turquie, tu ne mets pas en danger ces personnes. Mais les droits internationaux se fondent sur les respects effectifs des droits, non pas sur un respect théorique. Or si on regarde la situation en Turquie, on sait très bien que ce n'est pas vrai du tout que les droits des réfugiés en Turquie sont respectés. Pas du tout. Tout d'abord, la Turquie n'a pas ratifié la Convention de Genève. Deux minutes. Oui. Donc la Turquie n'a pas ratifié la Convention de Genève, donc elle n'a aucune obligation de ne pas renvoyer vers la Syrie ou ailleurs les réfugiés qui reviennent, les obligations qui lui reviennent de la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, la question qui était posée tout à l'heure était la situation d'accueil. En Turquie, la situation d'accueil des réfugiés ne respecte pas du tout les droits de l'homme. D'un côté, parce qu'ils s'en occupent pas trop. De l'autre côté, parce qu'ils n'en ont vraiment plus les moyens. Parce que la quantité des réfugiés qui sont actuellement hébergés en Turquie est telle que la Turquie ne réussit plus à gérer ses propres champs. Donc, ça n'a aucun sens d'imaginer qu'on peut faire un échange. Les Syriens qui arrivent dans les frontières, peu importe comment ils sont arrivés, ils doivent être accueillis. Et c'est la raison pour laquelle ce que je vous dis l'aurait dit tranquillement aussi la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle ce n'est pas un hasard, on n'a pas soumis les papiers. Alors, c'était deux minutes, j'ai le droit d'être restée dans les deux minutes. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ou même des remarques Oui. Alors, oui. Savoir si on peut filmer. Alors, est-ce que déjà vous êtes d'accord pour être filmé? Voilà. Ce que je propose, c'est que s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord dans le public, vous filmez l'intervenante ou vous filmez aussi juste l'intervenante? Ok, bah très bien. Bah, il n'y a pas de problème. Et on demandera aux autres intervenants après, du coup, s'ils acceptent d'être filmés à chaque fois. Par rapport à la thématique qui a été. Oui. Oui, merci, on apprend beaucoup de choses. J'ai une question pas directement liée au sujet, mais je voulais savoir s'il est dans le droit, à propos des réfugiés climatiques, moi je pense plutôt à en fait, des gens qui ont aussi un problème de nourriture. On sait que les conflits aussi en Syrie, c'est pas le facteur principal Quoique, il y a des gens qui débattent là-dessus, mais la question des trois sécheresses pendant plusieurs années, de 2008 à 2011, pourra expliquer, ou même plus, peut expliquer. Mais je voulais savoir si en droit, soit il y a une opportunité, soit ça existe aussi, un droit des réfugiés. Alors climatique, je crois que ça n'existe pas encore. Mais alimentaire, c'est les gens qui meurent de faim, hein. Ils sont sous les bombes, mais ils meurent de faim en plus. Est-ce que là, il y a aussi du droit qui existe? Je connais pas. Hein. Oui, alors, aussi précisément que vous le demandez, malheureusement, non. Alors, il n'y a pas une norme qui dit que la famine aussi, c'est une persécution. Ce sont, malheureusement, les gens qui fuient la misère et la famine sont considérés des migrants économiques. Donc ça, c'est les points de départ. Ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement les points finaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir recours à d'autres règles ou chercher d'interpréter d'autres règles pour protéger aussi ces personnes-là. Alors, la première chose qu'on peut imaginer, c'est encore une fois la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour n'a jamais voulu protéger les migrants économiques sur ça. Donc l'application, considérer la famine comme une violation de l'article 3, elle ne l'a pas acceptée. Mais il y a quand même un arrêt intéressant, c'est l'arrêt D contre Royaume-Uni. C'est un arrêt du tout début des années 2000, je ne sais pas si 2000 ou 2001. Et c'est un arrêt, alors les monsieur D, on sait seulement l'initiale, c'était un migrant, c'était une personne qui venait des îles Kitty et qui était migrée au Royaume-Uni. Et il avait les sida, il était un malade terminal de sida. Le Royaume-Uni voulait les renvoyer aux îles Kitty, il était irrégulier. Et la Cour européenne a affirmé que comme aux îles Kitty, les systèmes des hôpitaux, notamment lui en plus, il avait commis des délires liés à la drogue, donc il risquait d'être en prison, et les soins en prison qu'on pouvait lui donner aux îles Kitty n'étaient pas suffisants, et on considérait que les manques de système sanitaire aux îles Kitty pour un malade terminal de sida dans ces cas-là aurait constitué une violation de l'article 3, ce serait dit, aurait été une torture. Donc, là, il n'y avait aucune volonté de la part des autorités des îles Kitty, ni une situation de vouloir lui faire... C'est tout simplement, il n'y avait pas d'hôpitaux suffisants. Alors, ça, c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'au fond, toute personne qui arrive dans les territoires européens et qui s'y renvoyait se trouve à être malade et à ne pas pouvoir être soignée, à mourir de faim, ça me semble bien une torture, peut s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, en théorie, c'est possible. En réalité, après cet arrêt D contre Royaume-Uni, il y a eu d'autres cas comparables qui ont été proposés à la Cour. La Cour a toujours dit... Nous réaffirmons les principes que nous avons affirmés dans l'affaire D contre le Royaume-Uni, mais dans les cas d'espèce, la situation n'est pas aussi grave. Donc malheureusement, elle est un peu, d'un point de vue théorique, elle n'est pas revenue sur ses pas, mais dans la elle n'a jamais plus reconnu à quelqu'un qui ne fuyait pas une violence, une vraie violence qui était contre lui. Pour les réfugiés climatiques, en général, il y a beaucoup de discours. On en parle beaucoup, mais on est encore arrivé. Oui, mais il y a, pas un droit international, mais il y a eu un arrêt d'une, je ne me rappelle plus de quel juge interne. En fait, il y a eu un cas, c'était un cas individuel d'une personne justement qui fuyait une de ces îles dans lesquelles désormais l'île avait disparu et qui a demandé, je ne sais plus si c'est au Canada ou a demandé l'asile et l'asile, le juge interne a considéré de lui reconnaître les statuts des réfugiés pour raisons climatiques. Mais comme je vous disais, comme j'ai dit au tout début, en fait, le problème, c'est que ça, ce sont des arrêts des droits nationaux, c'est des positions des juges qui essayent d'interpréter extensibles à la convention, mais qui ne sont pas obligatoires pour les autres interprètes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je profite pour. Je vous donne. Est-ce que Nora, l'intervenant suivant, est là? Non, d'accord. Je voulais te demander si j'ai su déjà que en Turquie, donc les personnes qui ont réussi à passer la frontière sont mises en fait comme des centres un peu de rétention. Il me semble qu'en Grèce aussi. J'ai vu des images où ils prouvaient complètement la déportation collective parce qu'ils étaient même menottés deux par deux dans le bateau et ramenés. Et je voulais savoir si ça, c'était quelque chose qui était légal. Et je me souviens qu'en France, pendant le franquisme, pendant la guerre civile franquiste, après 1939 aussi, il y avait eu des exilés espagnols qui avaient été mis dans des camps de concentration ici. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle. Et je voulais te demander aussi, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, il y a eu une polémique aussi sur ça parce qu'au départ, ils allaient peut-être même participer à ces déportations collectives. Finalement, ils ne le font pas. Mais j'aimerais bien savoir un peu le rôle de ces grandes ONG qui apparemment ne sont pas vraiment présentes dans les endroits où il y en aurait besoin, et aussi que tu parles un peu de l'aide, du coup, de la solidarité qui s'est organisée, de comment au niveau légal, les gens qui vont aider les réfugiés sont aussi réprimés, ou voilà. Alors, sur l'organisation entre les ONG, je ne sais pas te dire beaucoup. Donc ça, c'est, mais je crois qu'il y a des choses cet après-midi, vraiment des personnes qui au contraire travaillent dans les ONG, donc ils savent un peu plus en pratique dire. Alors, c'est sûr, la situation des rétentions, que ce soit en Grèce, que ce soit en Turquie, c'est illégal. C'est-à-dire, illégal. Après, il faut voir, c'est en violation de certains traités que les États ont acceptés. Notamment, la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il faut dire que la Convention européenne des droits de l'homme permet aux États, l'article 5, c'est-à-dire l'article sur la liberté personnelle, permet aux États de priver de la liberté des personnes qui essayent de franchir illégalement la frontière ou de les retenir, donc de les détenir, parce que ça, c'est nécessaire à l'exécution d'une expulsion, donc de les renvoyer ailleurs. Donc, malheureusement, je dirais, dans la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 5, lettre F, permet cette rétention. Mais attention, elle la permet à certaines conditions, notamment sous contrôle judiciaire. Alors là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un juge qui s'est prononcé dans chaque État individuel. Donc, faites comme ça, c'est pas du tout possible. Et d'ailleurs, encore une fois, dans l'affaire Claifa contre Italie, c'était un cas, c'est l'affaire dont je parlais tout à l'heure de Lampedusa, la Cour a constaté aussi la violation de l'article 5, justement, parce qu'on avait appelé accueil et premier secours les faits quand même qu'on mettait les personnes dans les hôpitaux et on fermait les portes. Et comme il n'y avait pas eu d'évaluation de chaque cas particulier avec confirmation d'un juge, la Cour a considéré que c'était une violation de l'article 5. Donc là, la violation, c'est sûr. Et pour les conditions de détention, donc ça serait violation de l'article 3, et parce qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire, donc c'est un cas de violation de l'article 5, pour la première chose. Après, tu m'as demandé la comparaison avec la situation en France, dans les années 38 et 39. Alors, ça, c'est une question qui me plaît beaucoup, parce que il y a un an, nous avions organisé avec certains collègues une rencontre qui était fondée sur un livre que je vous conseille de lire parce qu'il est très beau, et c'était un livre de Arthur Kessler. En français, le titre était la schiuma della terra, l'écume de la terre. Merci. Alors, Arthur Kessler était un Hongrois communiste qui était venu réfugié en France. Il faisait le journaliste en France. Et après, en 38, en fait, même pas dans les cadres de Vichy, c'est-à-dire avant Vichy, on l'a interné avec tous les autres dans certains camps qui en avaient en réalité fait pour interner les internationalistes qui étaient allés combattre Franck avec ça. Et nous avions effectivement, avec un collègue qui fait un historien du droit, on avait effectivement créé une comparaison entre les lois qui permettaient cette détention Et d'ailleurs, ces personnes qui n'avaient rien fait étaient détenues, leur statut était des étrangers indésirés. Donc il était défini étrangers indésirés. Exactement, comme donc on voyait vraiment que, et dans la justification, même la justification souvent de comparer les problèmes des migrants, de traiter ensemble le problème des migrants et le problème du terrorisme, à ces moments-là on les traitait pas terrorisme mais danger pour la nation, on les traitait ensemble, il y avait eu les mêmes, exactement les mêmes, la même attitude à cette époque et qu'on a aujourd'hui. Donc la comparaison est tout à fait pertinente, oui, on peut la faire. Et alors, et après, je ne sais plus, il y avait une troisième chose, je ne me rappelle plus. Ah oui, l'agence des réfugiés. Alors, l'agence des réfugiés, en fait, les hauts commissariats des Nations Unies aux réfugiés, a un statut un peu particulier. C'est-à-dire, en effet, on le cite souvent comme interprète, entre guillemets, de la Convention sur les réfugiés. Ils travaillent, les deux choses vont bien ensemble, mais il ne l'est pas. Par contre, il a un rôle important dans l'application et l'interprétation de la convention. Alors, les bureaux des hauts commissariats sont en Turquie, et sauf que les hauts commissariats des réfugiés s'est prononcé très clairement contre cet accord ou cette décision qu'on a prise avec les Turcs, en considérant que c'était pas du tout conforme à la convention, et a dit qu'il n'aurait pas du tout aidé pour la détermination du statut des personnes qui éventuellement pourraient être reportées en Turquie. Donc il ne participe pas du tout, parce que l'idée était d'organiser des sortes de commissions dans lesquelles participent aussi des membres des hauts commissariats pour définir les statuts des personnes. Alors en général, il faut dire que les hauts commissariats, même s'il n'est pas très content des choses qui sont faites, essaye quand même d'être présent. Il s'est dit, bon, dans la catastrophe, on essaye de faire quelque chose. Donc, ils sont présents dans les camps, ils sont présents à Idomeni, ils cherchent, ils sont là. Hein? Mais dans le cas d'espèce ici, ils ont considéré qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec cette chose parce qu'elle était inacceptable. Les mêmes choix ont fait certains ONG, notamment, je crois même Médecins Sans Frontières, qui a dit, nous, on sort... Là, c'était la même chose. Médecins Sans Frontières, en Grèce, voulait être à Idomeni parce qu'au moins, il pouvait porter secours. Mais il ne voulait pas du tout faire partie de ces systèmes. Et donc, ils en sont sortis par opposition à ces choix-là. Et il y a des ONG qui ont décidé que, bien que pas étant très contents, c'est mieux de rester là, et d'autres qui ont fait les choix opposés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui vous êtes et dans quel cadre vous intervenez? Alors, juste par rapport à ça, en fait, ce qu'on propose comme format à Debout Éducation Populaire, c'est justement que les intervenants viennent seulement avec leur prénom et non pas par rapport à un statut quelconque ou à une profession. Après, bon, vous pouvez nous parler de votre activité, ça n'empêche que... Mon prénom, c'est Francesca, déjà. Et je suis là parce que je suis là. En fait, comme j'espérais vous montrer un peu, moi, je suis chercheuse en droit international et je m'occupe en particulier des droits internationaux, de la migration et de l'asile. Donc, c'est un peu pour ça que j'avais un peu des compétences de la matière. Mais la mienne, ça peut être intéressant parce que comme ça, on comprend aussi les approches. La mienne est une approche très théorique. C'est-à-dire, je suis même pas avocate. Je me limite à enseigner à l'université ces matières-là, à faire de la recherche sur ça. Et c'est la raison pour laquelle les questions qu'on m'a posées un peu sur comment travaillent les ONG, à la fin, je ne sais pas trop parce que j'y suis pas dedans. Donc, Alors, moi, ma question, en fait, voilà, moi, je me présente, je m'appelle Laurent, on est avec Laetitia, on arrive de Calais, on habite à Calais. Et à Calais, en fait, c'est une zone de non-droit sur la question des réfugiés. Donc, effectivement, il y a des traités internationaux, il y a des justices européennes, il y a des justices nationales. L'État aujourd'hui, de toute façon, s'assoit sur tout ça pour mener sa politique à Calais. On parlait de camp de concentration, le centre d'accueil provisoire, cette espèce d'immonde camp de containers C'est un camp de concentration du 21e siècle, au même titre que ce qui est en train de se développer d'ailleurs en Autriche et aussi maintenant tout doucement, et ça en prend la tournure, à Vintimille à la frontière italienne. Bon, tout ça, on est en plus... Voilà. Tout ça, en plus, on est dans une séquence politique bien particulière où Bernard Cazeneuve doit revenir à Calais pour dire, voilà, j'ai résolu le problème, il y a plus que 2000 réfugiés qui sont enfermés, et le problème est résolu, merci, votez pour moi. Alors, en tant que chercheuse, quel regard vous portez justement sur cette inefficacité de la parole du droit des États devant la situation et leurs agissements? Bonjour à vous tous. Moi j'ai une question d'ordre un peu plus général, mais qui reprend en compte notamment celle du dernier intervenant. J'aimerais, moi, avoir votre regard, pas de juriste, mais sur le droit, sur la justice, voilà. Le mot justice, quoi, en général, sur sa signification. Bon, on constate tant qu'au niveau, ce qu'on pourrait dire des pays, moi j'aime pas le mot national, mais au niveau des pays et dans le monde entier, de toute façon, les droits théoriques sont bafoués, de toute façon. C'est un constat que moi je peux faire, bon, vous pourrez commenter si vous le souhaitez. Donc moi j'aimerais avoir votre... J'aimerais, dans le cadre d'un changement de société, d'un changement de système, comment verriez-vous le fonctionnement de la justice? Voilà, un autre fonctionnement, bon, c'est un peu vaste, hein, mais voilà, juste avoir votre regard et votre éventuellement vos éventuelles propositions. Oui, je crois que je peux donner une réponse qui englobe un peu les deux choses. Alors, c'est vrai, les droits sont parfois non respectés. On le voit très souvent. Au même temps, je dirais que la justice, la réalisation du major justice, mais ça, c'est pas les regards des chercheuses, c'est que je pense que nous sommes là pour ça, c'est plus les demandes de la politique. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, c'est voir ce qui se passe à Calais, voir ce qui se passe à Lampedusa, où les choses vont quand même mieux qu'à Calais, il faut dire récemment, voir ce qui se passe en Grèce, et dire, cela ne nous plaît pas. Et alors, pour que les choses changent, ça doit changer de façon politique, c'est-à-dire que c'est la population qui doit dire, nous avons certaines valeurs, et nous voulons qu'elles soient approuvées. Est-ce que ça veut dire que tout ça, ça sort complètement du domaine du droit? Je ne crois pas. C'est-à-dire que je pense quand même que même si les droits ne sont pas aussi théoriques que ça, parce que les droits sont quand même appliqués en justice, parfois on ne réussit pas à obtenir tout. Mais je crois que savoir que quelque chose n'est pas seulement injuste et aussi illégal peut être utile. C'est-à-dire on peut faire une démarche politique pour demander plus de justice, pour changer les politiques, pour chercher d'investir dans certaines choses. Mais on peut aussi se dire que certaines situations constituent une violation des lois internes ou des lois internationales et il y a certaines procédures qu'on peut adopter. C'est-à-dire que, on peut faire un exemple différent. La situation des prisons en général. On ne parle pas des migrants, mais ça peut être assez clair. La situation des surpeuplements carcéraires. C'est un problème en France, ça a été un problème énorme en Italie. Alors en Italie, en Russie, c'était pareil, en Grèce, c'était pareil. Ça semblait qu'on pouvait pas sortir de ça, il y avait pas assez de prisons, on ça sortait pas, c'était des années que les prisons étaient surpeuplées. Jusqu'à quand il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Torreggiani, dans lequel la Cour a dit, en Italie, il y a une situation de violation systémique de l'article 3 à cause du surpeuplement carcéraire, faites ce que vous voulez, mais il faut mettre moins des gens en prison parce que ça peut pas continuer comme ça. Il a fallu un an, mais maintenant, il n'y a plus de problème de surpeuplement carcéraire. On a réduit les temps des réclusions préventives, on a trouvé d'autres solutions. Plutôt que se faire condamner par un arrêt aussi grave de la Cour européenne des droits de l'homme, qui d'ailleurs demande après de payer des dommages et intérêts aux individus, donc ça coûte cher, les politiques ont quand même changé la loi. L'Italie, à nouveau, parce que je fais l'exemple avec l'Italie, a été condamnée parce qu'on n'avait pas une loi sur les unions civiles. La France a depuis longtemps, l'Italie était une situation différente. On ne la voulait pas. Après la condamnation, un an, et ça a été approuvé, la loi. Donc, les condamnations de justice de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne marche pas toujours, mais parfois ça marche. les expulsions de l'affaire Irsi, quand on renvoyait les gens, ben, après l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Irsi, on n'en a plus parlé. Les contrôles judiciaires, on l'a remis en place. Alors, je dirais, quoi faire à Calais? Ben, déjà, commencer à contacter les ONG qui travaillent à Calais et présenter des recours. Alors, les recours à la Cour européenne des droits de l'homme sont faits par les victimes de la violation. Donc, il faut mettre ensemble 50, 60, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il suffit 50 requérants, 50 personnes qui se trouvent à Calais, qui sont dans une situation qui constitue violation de l'article 3, et on présente un recours à la Cour européenne des droits de l'homme, qui d'ailleurs, très souvent, quand elle condamne l'État, elle fait payer toutes les procédures judiciaires, les avocats, etc., à l'État. Donc, en fait, des ONG qui s'organisent pour faire un recours, on peut les faire et on peut obtenir quelque chose. Parce qu'une fois qu'il y a un arrêt de la Cour qui dit « cette situation est une situation de violation systémique du droit, il faut changer les choses », d'abord, les États commencent à se dire « oui, ben, il faut peut-être faire quelque chose ». Et aussi, il y a un contrôle de la part du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui a un contrôle permanent jusqu'à quand les États n'ont pas respecté l'arrêt. Donc, on peut faire quelque chose. En plus, l'autre aspect intéressant est que la Cour européenne des droits de l'homme peut prononcer des mesures conservatoires. C'est-à-dire, s'il y a un cas particulier, individuel, très très grave, où la situation de la personne est mise en danger, on peut commencer à faire les recours à la Cour européenne des droits de l'homme et dire, pour cette personne, il faut aussi trouver une situation immédiate parce que sa situation est en danger. Donc, elle risque qu'une fois qu'elle va gagner à la Cour, elle a déjà été expulsée, elle est déjà morte, on ne sait pas quoi. Et la Cour peut prononcer des mesures conservatoires dans les cas particuliers en disant à l'État, en attendant l'arrêt, déjà, tu fais ça, ça et ça. Tu mets en sécurité cette personne. Donc, on a des moyens. Je ne vais pas dire que ce sont des moyens hyper efficaces, je ne vais pas dire qu'on obtient tout, mais je pense qu'il faut, il faut travailler sur les deux choses. Il faut travailler du côté politique pour changer l'opinion publique, changer ce qu'on vote, faire comme on veut pour avoir une autre attitude, et il faut en même temps agir. Dire que quelque chose est illégal sert aussi à la bloquer tout de suite. Après, toujours sur la situation des Calais, de l'accueil, il y a une chose dont à avoir l'idée des normes centres d'accueil, plus ou moins humains ou inhumains qu'ils soient, comme la solution. On continue à financer et à penser à ça. Donc, quand même, on établit des financements, c'est pour améliorer la condition dans les camps et non pas faire autre chose. Là où on a très bien vu qu'un accueil des réfugiés, ce qui marche bien, ce sont les petits centres, ce sont les systèmes d'accueil et des distributions des réfugiés faites dans des situations libres en coopération avec la population de chaque pays. À Lampedusa et dans d'autres communes de Sicile, il y a eu des projets communaux d'accueil d'un nombre limité de réfugiés qui sont en contact avec la population et qui sont pris un à un. Et toutes ces procédures-là coûtent beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher un réfugié à résidence quelque part, dans une ville dans laquelle il a des contacts et il commence à travailler, plutôt qu'un réfugié dans un camp. Ça coûte moins cher, ça marche mieux, et on continue à ne pas l'établir comme politique européenne. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Je crois parce que l'idée est encore, on veut que ces gens-là soient mis à côté et renvoyer quelque part. Alors, si on commence à penser qu'il faut mieux commencer à non pas agir dans l'urgence et penser que c'est toujours l'urgence, ça c'est une situation qui va continuer, ça va continuer pendant des années, des années, des années. Alors, il faut mieux raisonner sur l'intégration plutôt que sur l'urgence. Tout d'abord, je vous remercie parce que vous apportez des solutions, c'est très bien. Mais, alors, je précise. Bien sûr, des propositions, tout du moins. Moi, je précise juste une précision par rapport à ma question. Vous avez parlé de l'interaction entre le politique et la justice. Bon, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais si on regarde de plus près, c'est vrai que c'est le politique qui intervient directement dans les décisions de justice. Si on regarde, par exemple, le droit français, c'est l'économie de marché qui dicte finalement pas tout. Il y a eu des progrès, il y a eu des avancées, mais c'est quand même, en filigrane, ça apparaît quand même directement dans les articles de loi. Le système politique... Du pays, par exemple. Bon. Moi, je voulais, et en droit international, juste une mini parenthèse, il y a le droit théorique et il y a ce que disent les politiques dans le pays, c'est-à-dire aux concitoyens, on va dire. Vous parlez d'expulser de gens qu'on ramène dans leur pays, de droits, etc., etc. C'est très bien contre la torture et tout ça. Mais quand on écoute le discours que tiennent les politiques dans leur pays, ils évoquent le fait que, par exemple, la France, par exemple, si on parle de la France, peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, ils flattent l'électorat, un certain électorat, dans un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez un peu? Voilà. Donc moi, ce que je voulais, moi, par contre, c'est votre que vous essayez d'imaginer une dissociation, disons, entre un système politique donné et la notion du mot justice. Voilà, sa signification et ce qu'elle peut représenter. Mais c'est un vaste sujet, je sais, peut-être que vous n'y répondrez pas tout de suite. Mais je voulais votre point de vue là-dessus. Disons que sur la signification intrinsèque, on va dire, grosso modo, du mot justice, quoi. Et ce qu'on peut imaginer pour la faire évoluer, quoi, en grosso modo. Sur les solutions autres que ces gigantesques camps qui sont en train d'être construits un peu partout et qui sont les petits centres, il y a eu cette expérience assez intéressante qui a été mise en place par Bernard Cazeneuve au début novembre de l'année dernière, donc qui étaient les centres d'accueil et d'orientation, et qui étaient des centres prévus pour disperser partout en France les habitants du ghetto de Calais. J'ai visité un certain nombre de ces centres. C'est très intéressant parce que il y a une vraie mobilisation citoyenne en général qui se fait autour de ces centres, avec beaucoup d'improvisation parce que ça a été lancé un petit peu à la va-vite, mais voilà, beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve à la fin de beaucoup de procédures, et notamment les procédures OFPRA et les recours CNDA, et qu'on s'aperçoit que la politique du gouvernement sur sa politique d'accueil, elle n'a pas bougé d'un iota, elle est toujours aussi dure. Et on se retrouve maintenant avec des personnes qui sont entourées de citoyens et qui vont être expulsées vers l'Italie, vers la Hongrie, vers la Suède, et où, voilà, finalement, cette expérience qui aurait pu donner quelque chose, voilà, et une fois de plus sabotée, voilà. Oui, mais alors, vous serez jamais satisfait de ma réponse et je serai pas capable de vous donner vraiment une réponse sur ça. Je pense que chacun de nous va avoir son sens de la justice. Mon sens de la justice, ça répondrait ça, c'est qu'on a des belles expériences et après on n'en fait rien, c'est super triste. Après, par contre, ce que je dirais, c'est que nous avons un avantage. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est la réponse à vous donner, mais je pense que nous avons un avantage, c'est que nous sommes avec des limites, mais nous sommes quand même dans une démocratie et nous avons la possibilité d'exprimer nos idées, d'être là, de dire que ça ne va pas. Alors, c'est vrai, les politiques, ça intervient sur la justice, il y a les marchés, il y a tout ça, mais en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que opinionniste et tout, je pense que nous avons un grand pouvoir que nous n'utilisons pas toujours. Donc, probablement, c'est rappeler que nous sommes dans un pays démocratique et donc, si les politiciens sont là, c'est aussi, c'est à la fin un peu pour qu'on les vote ou parce que la majorité les vote et on peut aussi penser d'échanger. Alors, ce que vous disiez, vous avez mentionné quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était les problèmes qu'il y a, ce que les politiciens, ce que les gouvernants disent dans les occasions internationales et ce qu'ils viennent nous dire ici. Alors ça, c'est un énorme problème en Europe. C'est que, par exemple, l'accord avec la Turquie, moi, je serais très contente de savoir ce que les premiers ministres italiens, quelle était la position qu'il a tous soutenue quand ils ont fait ces rencontres, quelle était la position du président Hollande, quelle était la position d'Angela Merkel. Je voudrais savoir à quelle position ont tenu cette personne. Alors, de ce qui sort des conseils européens, on n'en sait jamais rien. On a toujours la position collective, mais on n'a pas le droit d'avoir les minutes dans lesquelles on sait les politiciens élus dans chaque pays quelle position il a tenue. Alors ça, je pense que c'est une chose qu'en tant qu'Européenne, on pourrait prétendre. On veut avoir les procès-verbaux, on veut savoir ce qu'ils ont dit pour savoir si quand on nous dit « Ah, on est obligé de changer la loi parce que l'Europe nous le demande », on voudrait savoir qu'est-ce que les personnes que moi j'ai élues ont fait pour éviter que l'Europe nous demande quelque chose, parce que quand même, ce sont nos gouvernants qui sont là et prennent les décisions. Alors, une majeure transparence est quelque chose qui est à la base de toute justice, parce que pour avoir un monde plus juste, il faut être informé. Et ça serait déjà un premier pas, savoir non pas seulement quelle est la solution finale, mais quelle a été la position et quelles ont été les positions qui ont été prises par chaque gouvernant de chaque pays pour arriver à cette solution finale. Par exemple, ça serait déjà quelque chose. Moi, je connais pas beaucoup d'exemples en France, mais je trouve ça intéressant. Et aussi, je sais que la solidarité, elle s'organise dans tous les pays. Mais pour parler d'un exemple à Barcelone, parce que j'ai vécu à Barcelone pendant quelques temps, je viens de revenir en France. Et pour rebondir sur ce que tu disais, alors à Barcelone, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, la ville de Barcelone, la nouvelle municipalité, est complètement pro-réfugiés, entre guillemets. C'est dite ville d'accueil pour les réfugiés et tout ça. Et le 1er mai, après la manifestation annuelle classique de toujours, en fait, un groupe de personnes en lien avec des réfugiés avait décidé d'occuper un énorme bâtiment de la mairie qui était vide et sans utilité pour en faire justement quelque chose de concret, parce que tout tarde beaucoup trop, tout est bureaucratique, en plus d'autres partis politiques freinent tout ce qui est possible de faire, enfin bon voilà. Donc ils avaient pris l'initiative de se dire voilà, tout ce système de justice qui tarde trop et qui fait que du coup les gens on perd de l'énergie, de l'argent, on perd des vies et humaines, ils se sont dit on agit, on le fait, et la mairie de Barcelone les a expulsés. Donc même les gens qui ont normalement une politique, alors après il faut savoir qu'à l'intérieur de la mairie de Barcelone il y a les autres partis politiques qui peuvent aussi voter pour l'expulsion, mais en tout cas c'est pas si simple que ça, et que le système institutionnel en soi il est créé pour les puissants, quoi, pour toujours les mêmes, et donc en fait aussi il décourage. Et quand il y a des initiatives qui sont prises en contre-pied par rapport à ça, là aussi, du coup, on les expulse, ou bien. Et à Athènes, je sais que par exemple, ils ont aussi occupé 4 lieux pour les migrants. Enfin, il y a des choses qui s'organisent, mais qui sont aussi très réprimées, quoi. Donc, c'est que dans tous les sens, il y a ça. Et je sais pas si t'as des informations sur l'entreprise Frontex. En fait, ouais, l'agence Frontex, en fait, il y a plein de choses qui sont sur Internet. Donc la transparence, tout n'est pas transparent, ça on le sait. Il y a plein de choses qui sont publiques, mais en fait, on va jamais les voir, ou en tout cas, on met pas les informations, on recoupe pas les informations. Et cette agence Frontex, il me semble que le grand directeur, c'est un ancien ministre français. Bref. Et en fait, dans toutes ces histoires, il y a tout le temps des histoires de fric d'une politique de racisme, quoi. Enfin, non, mais c'est ça. Faut pas avoir peur des mots. Et c'est que en fait, on vit dans une Europe complètement, pas seulement capitaliste, mais aussi coloniale, raciste. Enfin voilà. Et voilà. C'était juste pour dire ça. Oui, voilà. Juste pour vous dire, vous pouvez venir vous asseoir. Hein. C'est l'éducation populaire debout plutôt que de rester debout. Là, vous pouvez vous asseoir. Oui, alors, sur l'organisation interne des Frontex, je ne vais pas être très précise, j'en sais pas trop. Alors, déjà, pour être clair, parce qu'on en entend des toutes sortes. Alors, Frontex est l'agence commune européenne pour les contrôles des frontières. L'idée à la naissance des Frontex était quoi? Était que comme on a abattu les frontières internes, après maintenant on les hérisse à nouveau, mais l'idée était qu'on les avait abattues, et donc il fallait contrôler. C'est la raison pour laquelle on a après parlé des forteresses Europe. Donc c'était un peu ça l'idée. Dedans, c'est très bien, et après on met une belle frontière externe très sûre et très fermée. qu'on a appelé Fortress Europe. Ça, c'était pas les, c'est qu'on a fait les, qu'on fait les opposants. C'est pas l'Union européenne qui s'est définie comme ça. Mais ça, c'était un peu l'idée. Alors, les problèmes étaient que les pays qui étaient aux frontières externes avaient du mal à contrôler ces frontières. Et les pays qui ont, au contraire, été aux frontières internes, se disaient, ben oui, mais nous, maintenant, l'Italie ne contrôle pas sa frontière du sud avec la Méditerranée, mais après, on sait très bien que les gens traversent l'Italie et arrivent en Allemagne. En plus, comme il n'y a plus la frontière entre l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne, moi, je ne peux plus rien faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les pays de la frontière externe à contrôler leurs frontières. Donc, Frontex, à l'origine, est comme ça. C'est une agence qui s'occupe que de la coordination. Il n'y a pas de garde des frontières de l'Union européenne, pour comprendre. C'est une agence qui s'occupe de la coordination, du fait qu'un pays à la frontière externe qui se trouve en difficulté dans la gestion et dans les contrôles de sa propre frontière demande aux autres pays de l'Union européenne de l'aider. Les autres pays de l'Union européenne mettent des forces à disposition, des bateaux, de la police, il met des forces à disposition et on crée une force des frontières européennes qui d'habitude, dont le commandement principal est du pays qui a demandé l'aide, mais tout ça c'est coordonné par Frontex qui met à disposition des fonds et crée les liens avec les différents pays et comme ça. Donc ça c'était un peu l'origine. Après, Frontex s'est énormément développé. C'est énormément développé et de plus en plus, on a commencé à la charger d'affaires, sachant que ça reste une agence de contrôle des frontières. On a parlé beaucoup de Frontex quand on a introduit Frontex Plus. Alors ça, c'est intéressant. Et je pense que c'était un peu aussi à ça que tu pensais, parce que quand on a introduit Frontex Plus, on avait un peu l'impression, ah, c'est très très bien, maintenant c'est l'agence humanitaire de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'était que après certains naufrages très très graves qui avaient eu lieu au large dans les canals de Sicile, l'Italie avait mis en place quelque chose qui a été vraiment très très bien, a mis en place une opération qui s'appelait Mare Nostrum. Parfois on fait des choses bien. Mare Nostrum était une vraie opération de sauvetage en mer. Ça avait mis à disposition d'énormes, bon, c'était organisé par l'armée, ça c'était les forces qu'on avait. Il y avait beaucoup de bateaux qui restaient directement, non pas au contrôle de la mer territoriale italienne, mais qui arrivaient presque jusqu'aux côtes libyennes, jusqu'à la mer territoriale libyenne. Les bateaux étaient déjà, il y en avait beaucoup, étaient déjà présents en mer. Comme ça, dès que quelqu'un demandait secours, dès qu'il y avait un bateau de migrants, de réfugiés qui demandait secours, qui était en difficulté en mer, il pouvait intervenir. Les personnes étaient embarquées sur les bateaux italiens et portées en Italie. Donc il n'y avait pas de refoulement du tout. Pendant les 2 ans de l'opération Mare Nostrum, le nombre des naufrages en mer a chuté. C'était très très bien, tout se passait très bien. C'était le problème de Mare Nostrum. Ben, d'abord, ça coûtait très très cher. Ça coûtait des milliards et c'était pris en charge totalement dans les budgets publics italiens. Ça, c'était les premiers problèmes. Donc, ça a commencé à poser question dans l'opinion publique italienne qui a dit « Oui, mais ça nous coûte des milliards tous les mois, on ne peut pas avoir ça ». Et l'autre problème était que d'autres pays de l'Union européenne, notamment la Grande-Bretagne et aussi l'Allemagne, mais surtout la Grande-Bretagne, ont commencé à dire « Ah oui, mais si maintenant les migrants, on va directement les chercher en haute mer, ils vont tous poser la question. Ben, c'est mieux s'ils meurent. » Parce que, entre guillemets, c'est ça l'idée. Si on décide qu'on ne veut pas les secourir en mer, c'est qu'on accepte l'idée qu'ils coulent. La France aussi. La France aussi. Donc il y avait le problème d'arriver trop de gens. Et l'autre problème était l'Italie n'avait pas assez d'argent pour tout faire. Donc les ministres italiens sont arrivés au Conseil européen en disant je voudrais que l'opération italienne Mare Nostrum devienne une opération de l'Union européenne. On ne peut plus se charger de tout ça. C'est ce qu'on a fait. Donc lui, il a pu se présenter à l'opinion publique italienne en disant maintenant Mare Nostrum c'est à la charge de l'Union européenne, ça ne nous coûte plus rien. Donc on a fait l'opération Triton au Frontex Plus. Quelle est la différence? Que Frontex, sa compétence est le contrôle des frontières, non pas les secours en mer. Et donc l'opération Triton au Frontex Plus, qui d'ailleurs au début coûtait un tiers que Mare Nostrum, mais maintenant on a élevé les sommes au même montant de Mare Nostrum, c'est une opération qui n'est pas là, près dans la mer internationale pour intervenir. Elle reste proche des frontières et son engagement principal est le contrôle de la frontière et non pas les secours en mer. Or, sauf que ça s'applique aux bateaux de Frontex Plus, exactement comme à tous les bateaux qui sont dans la mer, s'appliquent les règles du droit de la mer. Les règles du droit de la mer disent que s'il y a quelqu'un qui appelle au secours en mer, les bateaux les plus proches doivent y aller. Et donc, même si ce sont des gardes des contrôles des frontières, du moment où ils reçoivent une demande de secours, ils y vont. Sauf qu'ils y vont en partant de beaucoup plus loin. Donc, à la fin, on a recommencé à avoir les naufrages en mer. Et on la présente un peu. Maintenant, quand on voit dans les sites internet des Frontex, ça semble, c'est super, c'est la grande opération humanitaire. Bon. Ça reste une opération de contrôle des frontières aussi parce que ça, c'est la compétence qu'on a donnée à Frontex. Il n'y a pas une agence européenne du secours en mer pour la Méditerranée. Il y a une agence pour les contrôles des frontières externes. Et ça, c'est Frontex. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je crois que nous avons le temps parce que l'autre Altevera n'est pas arrivé. Bonjour. Est-ce que quelque part avec Frontex, il n'y a pas un moyen de déresponsabiliser un petit peu les pays européens, justement pour l'accueil des réfugiés, en disant voilà, nous on est juste une organisation pour le contrôle des frontières et notre compétence c'est ça et pas autre chose. Est-ce que c'est pas un moyen justement de, enfin ça segmente un petit peu les compétences, mais du coup ça occulte aussi beaucoup de besoins qui pourraient, ils pourraient agir en fait. Oui et non. C'est-à-dire, je pense que l'effet de dire que Frontex existe et de dire c'est Frontex qui fait les choses, c'est une façon qu'ils peuvent avoir les États de se déresponsabiliser face aux opinions. En réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. La responsabilité de l'accueil est une responsabilité d'abord étatique. Donc, de se coordonner avec une agence européenne ne veut en rien dire que chaque État n'a pas ses responsabilités. D'ailleurs, les problèmes se posent largement dans le cadre de l'opération. Parce que justement, le problème est que chaque État dit, on va faire les secours en mer, mais après, une fois que les personnes sont montées sur un bateau allemand, par exemple, où est-ce qu'on les amène? On sait, la Cour européenne nous l'a dit très bien, on ne peut pas les reporter en Libye. Donc... Ça veut dire qu'on les amène en Italie, où l'Italie dit, oui, mais une fois qu'ils sont montés sur un bateau allemand, ils sont sous la juridiction allemande. Donc, ces réfugiés-là, vous les portez en Allemagne et vous réglez les choses en Allemagne. Donc, évidemment, l'effet qu'il y ait des forces multinationales coordonnées qui s'occupent de cette situation a créé des problèmes, non pas dans l'effet du choix du porte de débarquement de ces personnes, de où on les amène, parce que chaque État dit, ah mais non, mais c'est la responsabilité de l'autre. Et ça, la caractéristique en mer de dire pour les démarquements la responsabilité est de l'autre, c'est pas nouveau, c'est pas une chose qui est née avec Frontex, ça vient du début, du moment où il y a commencé à y avoir les cas dans lesquels on venait au secours des personnes qui étaient en difficulté en mer, mais on voulait pas les accueillir dans les pays. En général, toutes les normes sur les secours en mer sont imaginées avec chaque État qui a bien envie d'avoir ses citoyens qui reviennent. Donc les bateaux qu'on secourt, quand c'est un bateau commercial italien, l'Italie n'a aucun problème à dire merci au bateau allemand qui a aidé les Italiens, portez-les en Italie. Le problème a commencé à y avoir quand sur les bateaux il y a des migrants qu'on veut pas recevoir. Et sur ça, dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, on a essayé d'adopter des protocoles pour les débarquements des personnes, mais ça marche un peu oui, un peu non. On a encore pas établi une règle sûre sur quel est l'État qui a l'obligation d'accueillir les bateaux. Est-ce que c'est l'État le plus proche? Est-ce que c'est l'État du drapeau? Est-ce que c'est l'État qui a la compétence des coordinations de la zone search and rescue dans lesquelles a eu lieu les secours? Chaque État a un peu tendance à donner la responsabilité à l'autre, et c'est sûr que d'avoir une agence européenne qui en principe coordonne les choses, ça rend encore plus facile l'effet de dire c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Il y a d'autres questions, non? Ou des réactions, ou des... Bonjour. Est-ce qu'on pourrait pas dire d'une manière plus générale que toute la construction européenne s'est faite dans le déni de ses voisins méditerranéens et que Frontex, en fait, s'est arrivé sur le tard pour combler un énorme manque. Alors, sincèrement, j'affirmerais ça comme pas ça comme ça, de façon aussi stricte et établie. C'est-à-dire, je pense déjà, je suis pas une experte des droits de la construction européenne, donc peut-être je pourrais me tromper. Je ne dirais pas que toute l'Union européenne et toute la construction de l'Union européenne est constamment sur les dénis de ses voisins. C'est sûr. La séparation avec les voisins a été très bien établie. Mais ça, est-ce que... Là, je pose une question. Est-ce que c'est l'Union européenne, ou il ne faut pas plutôt penser que l'Union européenne n'est pas une chose en soi, c'est la somme des pays membres de l'Union européenne. Alors, du moment où la constitution nationale, mais bien avant l'Union européenne, la constitution nationale de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne a toujours été « je contrôle mes frontières et je n'ai rien à voir avec l'Algérie, par exemple », alors ça, c'est une position qui est bien française et qui a été reportée. Quand la France s'est unie avec les autres pays en disant « bon, on fait quelque chose tous ensemble, mais on maintient quand même » les choses qu'on avait établies avant en tant qu'État-nation. Donc moi, je ne dirais pas que l'Union européenne s'est fondée sur les dénis de ses voisins. Je dirais que l'Union européenne est une union entre États, nations, européennes, qui ont reproduit dans l'Union des choses qu'ils avaient déjà à la base bien avant, même quand ils étaient État-nation. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est la faute de l'Union européenne. Je pense que la faute vient avant. D'autres questions? Bah écoute, merci beaucoup Francesca.